Jean Bosco, Douiman. Bonjour et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Près de 12 000 Burundais ont déjà regagné leur domicile entre novembre 2017 et janvier 2018, après un déplacement temporaire. C'est ce que révèle un rapport conjoint de l'Organisation internationale des migrations (OIM), qui montre que plus de 175 000 personnes ont quitté leur ménage à cause des désastres naturels pour la plupart, alors que les autres déplacements internes sont dus à la situation socio-politique. Compte rendu de lecture de ce rapport, ce sera dans ce journal. Alors que le ministère de l'Éducation n'a promis que le recrutement de 54 enseignants, la province scolaire de Bubanza accuse toujours un manque de 500 enseignants à 3 semaines de la fin du deuxième trimestre de cette année scolaire 2017-2018. Notre correspondante Spes Caritas Cavagnana sera en ligne pour nous parler des plaintes des parents d'élèves. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM compte interjeter appel dans le dossier de ces 3 membres de la province Mouranvia. Ils ont été arrêtés en juin 2017 et récemment condamnés à une peine de 10 ans d'emprisonnement pour atteinte à la sûreté de l'État. Et en actualité sous-régionale, en République démocratique du Congo, de nombreuses zones d'ombre subsistent un an après l'assassinat des experts de l'ONU, l'Américain Michael Chap et la Suédoise Zaïda Catalan, sauvagement tués non loin de Bunkondé, c'est dans la province du Kasaï central. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour et merci d'être avec nous. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM compte interjeter appel dans le dossier de ces 3 membres de la province Mouranvia, arrêtés en juin 2017 et récemment condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils ont été condamnés à une peine de 10 ans d'emprisonnement et une amende de 20 000 francs burundais chacun. Le président de cette organisation, Faustin Dikoumana, qui affirme n'avoir pas été satisfait du jugement rendu, considère que cette peine est très lourde. Suivez-le. Nous n'avons pas été satisfaits. Nos membres ont été condamnés à de lourdes peines, 10 ans de prison avec 200 000 francs d'amende. Et à voir comment le procès s'est déroulé, d'abord, il transparaissait que le ministère public n'avait pas pu vraiment prouver la culpabilité de nos membres parce qu'on les accusait d'atteinte à la sûreté de l'État alors qu'ils étaient dans une simple activité d'invitation des gens qui auraient participé dans une réunion, un atelier de sensibilisation qui de surcroît était inscrit dans le cadre des autres réunions qui se tenaient régulièrement, une réunion qui était connue de la part de l'administration et même les invités devaient participer dans cette réunion, ils étaient connus. C'est pour cela qu'alors nous avons décidé directement de faire appel. Et vous dites que vous n'êtes pas satisfait. Où est-ce qu'ils ont été jugés injustement selon vous dans ce procès? Peut-être que l'avocat serait peut-être plus mieux indiqué de le dire. Mais moi aussi, en tant qu'analyste, en tant que quelqu'un qui observe, et je viens de dire comment accuser les gens d'atteinte à la sûreté de l'État alors qu'ils étaient en train d'inviter les gens à participer dans une réunion qui était connue depuis longtemps de la part de l'administration. Une réunion dans le cadre des activités régulières dont ils menaient surtout dans le service des arrestations arbitraires. Il venait même de faire une enquête dans les cachots de Mouranvia. C'était le moment de faire la réunion pour parler des questions liées à la prévention donc, et à la lutte contre les détentions préventives. C'était une réunion où on allait parler de tout ça. Alors, si quelqu'un se permettait d'inviter les participants dans une telle réunion connue, je ne crois pas comment il peut être accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons décidé de faire appel et je crois que peut-être dans les juridictions supérieures, on pourra avoir gain de cause par rapport à nos réclamations. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation Parsem. Il répondait aux questions de Gertrude Mawenayo. À 3 semaines de la fin du deuxième trimestre de cette année scolaire 2017-2018, 500 enseignants manquent encore dans les écoles de la province Bubanza. À la direction provinciale de l'enseignement, l'on indique que le ministère de l'Éducation ne leur a promis que 54 enseignants à recruter. Cela étant, les parents ne cessent de se plaindre des contributions d'argent qu'ils donnent aux enseignants bénévoles. Spes Caritas Cavagnana est en ligne depuis Bubanza. 515 enseignants manquent encore dans les écoles fondamentales et post-fondamentales de ces provinces de Bubanza, selon les rapports disponibles à la direction provinciale de l'enseignement. En commune Rugazi, on manque 142 enseignants, commune Bubanza 93, Gihanga 63, Musigati 132 et Manda 85. Le conseiller chargé des ressources humaines à la direction provinciale de l'enseignement précise que selon les prévisions du ministère, seulement 54 enseignants pourront être être engagés dans cette province. Cela étant, beaucoup de salles de classe n'ont pas d'enseignants. Et même ceux qui sont au travail actuellement disent qu'ils se fatiguent car ils sont obligés quelquefois de travailler l'avant-midi et l'après-midi pour deux groupes d'écoliers. Comme solution intermédiaire, les enseignants volontaires ont été appelés à combler le vide, mais leur travail n'est pas apprécié par les autorités administratives qui indiquent qu'ils ne sont même pas régis par aucun règlement selon le gouverneur de cette province de Bubanza et qui est en même temps le président de la commission provinciale chargée de l'enseignement. De plus, les primes d'encouragement données à ces enseignants volontaires ne cessent de causer de la lamentation chez les parents obligés sans cesse de contribuer. Qu'est-ce que l'État Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Du sport, 8 formations de volleyball, à savoir Muzinga, Rukinzo, Amical et Bissoro côté masculin et Muzinga, New Colombe, Les As et GLC du côté féminin se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat national. C'était en fin du week-end dernier. Le championnat national de football en deuxième journée était à sa 7e journée. Une chose inhabituelle dans le football burundais, les joueurs de l'équipe Bumamuru de Chibitoke ayant quitté la pelouse du stade de Buganda avant la fin du match. Et cela a fait suite à la livraison de 3 cartons rouges aux joueurs de cette formation accusés de se méconduire sur terrain. Les détails sur cette actualité sportive avec Evariste Nzikobanyanga. En fin du week-end dernier, le championnat national de football en deuxième division était en sa 7e journée. Busoni Star de Kirundo s'est incliné devant les Crocos de Rumonge sur le score de 2-1. Rumonge City a égalisé un but partout avec unité de Muyinga. Les éléphants de Bubanza ont été battus par Magara Star de Rumonge sur le score de 2-0. Volontaire de Kanyosha a battu Burundi Sport Dynamique 1-0. Mososhuga de Rutana a égalisé avec Kayanza United 1-0. Transport a battu Bumamuru de Chibitoke 1-0. Un match qui n'a pas touché à sa fin. Le joueur de Bumamuru ayant quitté la pelouse du stade de Buganda, accusant l'arbitre central d'être injuste. C'est après qu'il ait donné 3 cartons rouges à leurs 3 coéquipiers, accusés de fautes lourdes au cours du match. En fin de week-end également, le championnat de volleyball au niveau national était en quart de finale. Côté masculin, Amical de Bujumbura a battu Bissoro de Mungaro 3-7-1. L'équipe de la police Rukinzo a croisé le fer avec celle de l'armée Muzinga. C'est Muzinga qui a remporté la victoire sur le score de 3-7-1 de Rukinzo. En date du 17 mars en cours, le championnat sera dans la phase de demi-finale. Côté masculin, Rukinzo jouera contre Bissoro et Amical croisera le fer avec Muzinga. Côté féminin, Muzinga croisera le fer avec New Colombe, tandis que les As livrera son match contre Gendalite Club. La finale du championnat national de volleyball aura lieu en date du 18 mars en cours. Merci Évariste. Je vous l'avais dit, plus de 175 000 personnes déplacées internes, plus de 39 000 ménages déplacés entre 2013 et 2018. C'est ce que révèle un rapport conjoint de l'Organisation internationale des migrations, OIM, et la Croix-Rouge, un rapport de janvier 2018. Selon ce rapport, 70% des déplacements sont dus aux désastres naturels et 30% à la situation sociopolitique. Malgré une telle situation, près de 12 000 personnes déplacées internes ont regagné leur maison entre novembre 2017 et janvier 2018. Les autres détails de ce rapport avec Mireille Kanyang. Ce rapport d'une vingtaine de pages de janvier de cette année montre qu'entre les années 2013 et 2014, les personnes déplacées internes sont de 10 403 en 2015 et sont de 80 616 déplacées et en 2016 et sont chiffrées à 53 025 personnes en 2017. Ces personnes déplacées internes sont de 31 080 alors qu'en 2018, elles sont de l'ordre de 812. D'après ce rapport, 23% de ces personnes déplacées internes sont originaires de Bujumbura Mairie, 12% de Bujumbura Rural, 10% de la province Kirundo, 8% sont originaires de la province Gitega. Les déplacés internes de Bubanza et Rumonge se chiffrent à 7%. Les déplacés de Chibitoke sont de l'ordre de 6% et et sont de 4%, dont les provinces Karusi, Kayanza et Changuzo. 15% sont originaires d'autres provinces selon toujours le rapport. Ce rapport révèle que 70% des déplacements sont dus aux désastres naturels. Au moment de la production du rapport, les communes Mishiha à Changuzo, Bubanza en province Bubanza et Giteranyi en province Muyinga hébergent le plus de ces personnes déplacées internes et sont de 121 869. 30% de ces déplacements sont dus à une situation sociopolitique. Le rapport précise qu'en janvier 2018, ces personnes déplacées internes sont de 53 225. Deux communes de la mairie de Bujumbura, Mukaza et Nahangwa, ont connu le plus grand nombre. Les raisons empêchant le retour de ces personnes poursuit le rapport. C'est entre autres les maisons endommagées ou détruites, un manque d'accès et le non-accès aux infrastructures sociales. Toutefois, comme le montre ce rapport conjoint de l'OIM et de la Croix-Rouge, entre les mois de novembre 2017 et janvier 2018, ces personnes déplacées internes ont diminué de 11 690. Cette baisse s'explique en général par la réhabilitation des maisons de ces personnes, la trouvaille de solutions durables, le rétablissement de la sécurité et une récolte fructueuse dans les zones d'origine des personnes ayant fui la sécheresse dans les mois précédents. Il s'agit des provinces Kayanza, Bururi, Mwaro et Gitega, où cette diminution est la plus importante, renchérit le rapport. Merci Mireille Kanyang. Les intérêts économiques, la lutte, la culture du dialogue pour les pays qui ont été sous la colonisation britannique, la solidité du pouvoir des structures traditionnelles, voilà quelques raisons qui ont poussé les leaders kényans, à savoir le président Uhuru Kenyatta pour le président kényan et son opposant Raila Odinga, à s'entendre sur l'avenir de leur pays. Et c'est le point de vue de Pierre Claver Nsengiyumva, il est analyste politique. Selon lui, les Burundais peuvent en tirer des leçons vu que dans le passé, ils sont arrivés à s'entendre. Suivez. C'est une excellente nouvelle. Je crois qu'il y a un peu partout des réactions à travers le monde, des gens qui essaient de scruter, de voir vraiment et d'essayer de creuser un peu pour comprendre quelles sont les motivations profondes qui ont été à l'origine de cette entente. Sinon, d'emblée, je dirais que c'est un pas vers la victoire de la démocratie et aussi vers l'entente politique qui doit caractériser tous les protagonistes politiques dans un pays. Et quels sont ces réseaux profonds qui auraient poussé ces deux personnalités à s'entendre? Du point de vue personnel, pour chacune des deux personnalités, il s'agit de peser quelles sont probablement les meilleures chances de pouvoir rester en politique. Vu de ce qui s'était passé, je crois, en 2007, est-ce qu'on peut se permettre une autre confrontation où des gens perdent la vie? Vous savez qu'il y a des gens qui avaient été même brûlés dans les églises, dans les bus. Je crois qu'ils ont pris du recul et se sont dit est-ce qu'on peut éviter cette histoire pour le Kenya. D'un autre point de vue, je crois que c'est lié à quelques pressions au niveau économique où il y a des gens qui ont beaucoup d'intérêt au Kenya. Donc le Kenya, vous savez, c'est, je crois sans nul doute que c'est la première puissance au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Si le Kenya est déstabilisé, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Donc au niveau des bailleurs de fonds, au niveau des partenaires économiques, bilatéraux, multilatéraux. Donc il fallait sécuriser le Kenya et avoir un pays qui vraiment donne la mesure. Mais d'un autre côté, il s'agit aussi de la tradition dans les pays qui ont été colonisés par... et aussi le Kenya qui a aussi tenté de s'imaginer ce qu'il pouvait perdre si jamais il n'était plus au sommet de l'EAC comme force économique et partant politique. Est-ce qu'il y a une leçon que les Burundais peuvent tirer de cette entente de ces deux personnalités kényanes? Je crois que pour les Burundais, c'est un pas qui nous rappelle aussi qu'il y a eu par le passé des ententes qui ont été vraiment bénéfiques et salutaires pour le pays, où les gens ont pu surmonter les problèmes qui les opposaient pendant des années. Les gens ont pu arrêter la guerre et aussi se sont entendus sur une forme de gouvernance où tous les points de vue pouvaient être respectés. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, je vous l'avais dit, de nombreuses zones d'ombre subsistent un an après l'assassinat des experts de l'ONU. Il y a en effet un an, jour pour jour. Aux environs de 17h, heure locale, deux experts des Nations Unies, l'Américain Michael Schaap et la Suédoise Zaïda Catalan, ont été sauvagement assassinés non loin de Bunkonde, dans la province du Kasaï central, en pleine insurrection des adeptes du chef Kamui Nsapu. Depuis, leurs accompagnateurs congolais Betoun Tchintela, Isaac Aboyi et Pascal Nzala sont toujours portés disparus. Un procès a été ouvert en République démocratique du Congo le 5 juin 2017. Les audiences sont suspendues depuis le 22 octobre. Le secrétaire général de l'ONU a d'abord nommé un comité d'enquête qui a rendu un premier rapport, puis un procureur canadien et des experts pour suivre cette procédure congolaise. Pour Kinshasa, l'affaire est simple. Les experts de l'ONU n'ont pas averti et consulté les autorités. Ils se sont rendus dans une zone dangereuse tenue par des terroristes. Pour les autorités congolaises, en tout cas, les miliciens Kamui Nsapu sont à l'origine de ce double assassinat. Un scénario également retenu par un comité d'enquête de l'ONU. Mais ce n'est pas ce qui ressort de l'enquête de RFI et Reuters sur la base d'éléments de preuve qui sont entre les mains de la justice militaire congolaise et de l'ONU. Le rapport du procureur canadien nommé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu pour la mi-mai. La ministre suédoise des Affaires étrangères a déjà déclaré qu'elle serait prête à soutenir un nouveau mécanisme d'enquête internationale si toute la lumière n'était pas faite. Et puis le président guinéen Alpha Condé, confronté depuis la mi-février à une série de manifestations de l'opposition et de grève des enseignants qui paralysent le système éducatif, risque de vivre à nouveau une semaine à risque, à commencer par une journée ville morte dès ce lundi à Conakry et dans les environs. Vendredi, les médiateurs du gouvernement ont posé sur la table des négociations avec les syndicalistes de l'éducation des propositions de nature à ramener la confiance entre protagonistes. Mais c'est sans compter les saboteurs, comme le disent certains enseignants. Pour eux, des personnes tapies dans l'ombre ne souhaitent pas le succès de la médiation menée par le médiateur de la République, Saïda Fofana, et surtout qu'il est aidé par le ministre secrétaire général à la présidence, Thibaut Camara, et le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Gassama Diaby. Samedi 10 mars, au moment où les délégués syndicaux rendaient compte de la proposition du gouvernement à leur mandant, un groupe de femmes a fait irruption et exigé des enseignants la reprise des cours. Vexés, les syndicalistes ont interrompu leur réunion et annoncé dans la foulée la poursuite de la grève déclenchée le 12 février dernier. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Près de 12 000 Burundais ont déjà regagné leur domicile entre novembre 2017 et janvier 2018. À présent, déplacement temporaire, c'est ce que révèle un rapport conjoint de l'Organisation internationale des migrations qui montre que plus de 175 000 personnes ont quitté leur ménage à cause de désastres naturels pour la plupart, alors que d'autres déplacements internes sont dus à la situation sociopolitique. Alors que le ministère de l'Éducation n'a promis que le recrutement de 54 enseignants, la province scolaire de Bubanza accuse toujours un manque de 500 enseignants à 3 semaines de la fin du deuxième trimestre de cette année scolaire 2017-2018. Enfin, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités PARSEM compte interjeter appel dans le dossier de ses 3 membres de la province de Mouranvia. Ils ont été arrêtés en juin 2017 et récemment condamnés à une peine de 10 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à Eli Kadogo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez un bon après-midi.